Retour au calme. Je me dirige vers la salle de bain, fais une feinte de corps à mon reflet dans le miroir, et avant qu'il ne réalise la supercherie, j'en profite pour m'emparer de mes bouchons d'oreilles en cire. Je les fourre aussitôt dans mes organes à pavillon, las d'être obligé de subir tous les bruits de la vie. Bientôt, le silence tant espéré se fait, n'entendant que le souffle de ma respiration et le bruit feutré de mes pas mesurés. Je me dirige vers la chambre au centre de laquelle j'étends en tapis de sol. Maîtrisant mon corps, je me place en position de yogi, jambes croisées et pieds sous les genoux, puis je ferme les yeux à la recherche d'un peu de calme. Ma respiration se fait plus lente, prolongée, et au rythme des inspirations et expirations de plus en plus longues, je me concentre sur un bloc de marbre précis que je sais à mon atelier. J'en parcours la forme mentalement. J'en fais le tour en visualisant sa couleur pâle, son odeur de poussière, jaugeant son poids, son contact frais. Mon cœur bat de plus en plus lentement. Je chasse avec douceur chaque pensée venant interférer dans mon acte de création. Je suis en train de saisir le marbre à présent. Je le dépose sur mon établi. Je l'époussette avec le gros pinceau, le fixe solidement, puis commence à le façonner de mon marteau et de ma pointe. Je décide de lâcher les outils car j'ai besoin de calme, de douceur. Je visualise alors mon marbre qui se dégrossit de lui-même, sans que je ne lui imprime aucun coup. Les morceaux de matière qui volent ne m'atteignent nullement. J'assiste jusqu'à la finition en spectateur actif. J'interviens pour la phase de ponçage ainsi que pour celle de polissage. Je sens le grain, j'entends le bruit du papier abrasif dont le crissement perd peu à peu en intensité jusqu'à ne plus être du tout audible. La méditation s'est installée. Je m'échappe dans des contrées inconnues, insaisissables, indescriptibles. Mille pensées viennent et repartent sans susciter aucune émotion. Je laisse circuler librement le flot intérieur, houleux et torrentiel, qui prend des allures de rivière, de paisible ruisseau. Je reste dans cet état proche de l'inconscience quelque temps avant de redescendre. J'imagine à nouveau les reliefs de mon corps, vérifiant que les tensions ont disparu. Puis, je me regarde de l'extérieur. Je visualise le corps de Miloche en tailleur au milieu de sa chambre. Je reviens chez moi, me préparant mentalement à affronter les échardes de la réalité. Je soulève avec lenteur mes paupières. Après quelques assouplissements de la nuque, je retrouve la position verticale avec attention, range mon tapis de sol, enlève mes bouchons d'oreilles. Puis je me dirige vers l'atelier à pas lents, en essayant de ne rien déranger dans ma tête. Je ne dois pas bousculer les effets bénéfiques de la méditation. Le marbre est là, exactement comme je le pensais, un peu plus coloré peut-être. Je m'empare des outils pour effectuer les gestes que l'on fait pour modeler un minéral, et les chats du voisinage qui apprécient mes percussions viennent se presser à ma fenêtre. Je travaille sans m'arrêter, pendant ce qu'il reste d'après-midi, sans ressentir de lassitude. J'ai sauté le repas de midi à dessein, pour apprendre à mon corps et à ma tête à rester davantage maître d'eux, en les punissant par le jeûne. Un peu de diète n'a jamais tué personne. Quand je cesse de taper sur mon marbre en début de soirée, la forme que j'avais imaginée se trouve bien ébauchée. Je parcours alors des yeux et de la paume, les ondulations gradinées. C'est doux de rugosité, agréable sensation. Je suis en Miloche apaisé. Je n'ai pas complètement perdu ma journée. Revenant à des considérations temporelles, je m'autorise à décoder les stimuli que me lance mon estomac. J'ai faim. Je me prépare une soupe autarcique, mélange de légumes et d'œufs, que je déguste en silence. Le croissant de lune encadré dans ma petite fenêtre m'apprend que la nuit ne sera pas des plus claires. Mais j'ai un travail à accomplir ce soir et j'irai, coûte que coûte. Je prendrai la lampe torche que m'a offerte Aimée pour mon anniversaire.